ce que tu sais de la porte. De grandes flèches. Oui, de très grandes flèches. Et pourquoi ne veulent-ils pas que la porte soit ouverte? Voyons, réponds-moi à la fin. Non, non, n'ouvre pas la bouche pour pleurer. Je ne suis pas fâché. De quoi parlent-ils quand ils sont ensemble? Oui, de quoi parlent-ils? De moi, toujours de moi. Et que disent-ils de toi? Ils disent que je serai très grand. Ah, misère de ma vie! Je suis ici comme un aveugle qui cherche son trésor au fond de l'océan. Je suis ici comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Oh! Et voyons, Ignold, j'étais distrait. Nous allons causer sérieusement. Eléa, ces petites mères, ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là? Si, si, de moi. Et que disent-ils de moi? Ils disent que je deviendrai aussi grand que vous. Tu es toujours près d'eux? Oui, toujours, petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs? Non, petit père, ils ont peur que je ne suis pas là. Ils ont peur. À quoi vois-tu qu'ils ont peur? Ils pleurent toujours dans l'obscurité. Ah! Cela peut pleurer aussi. Oui, oui. Oh Dieu, patience! Quoi? Petit père? Viens, viens, mon enfant, et ne passez la roue dans la forêt. Ils s'embrassent quelquefois. Non! Qu'ils s'embrassent, petit père? Non, non! Ils se sont embrassés. Mais comment, comment se sont-ils embrassés? Comme ça, petit père, comme ça. Encore. Je crois que Pélias est fou. Non, petit père, il n'est pas fou, mais il est très bon. Veux-tu voir, petite mère? Oui, oui, je vais la voir. Ne fais pas de bruit. Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Elle est trop haute pour moi, bien que je sois si grand. Ne fais pas le moindre bruit. Petite mère aurait terriblement peur. La vois-tu? Est-elle dans sa chambre? elle est seule. Oui, non, on ne peut plus vivre ainsi, et tu sais. Il. Oh, c'est vrai, c'est pas très folle. Ce n'est rien, tais-toi, je ne le ferai plus. Regarde, regarde, Vignold. J'ai trébuché. Parle plus bas, que font-ils? Sont-ils près l'un de l'autre? Est-ce qu'ils parlent? Non, mais des pères, ils ne parlent pas. Mais que font-ils? Ils regardent la lumière. Tous les deux? Oui, mais des pères. Ils ne disent rien? Non, mais des pères. Ils ne ferment pas les yeux. Ils ne s'approchent pas l'un de l'autre. Quoi donc as-tu peur? Regarde! Regarde! Regarde! Oh, je Viens!